Dieu, Dieu, réponds-moi. Où tu es mort, montre-toi. Je ne veux plus, je ne veux pas qu'on vienne me dire que sur la croix ton fils est mort pour moi. En dehors de ceux qui m'engagent, ceux qui me damnent et me maudissent, par tous les mots que tu as dit, qu'ai-je reçu en héritage? Je reprends la vieille maxime et je demande à tous les gens. Et je demande à tous les vents à qui profite le crime. J'ai fait trois fois le tour du monde. J'ai crié plus. M'a servi cette ronde, jamais personne n'a répondu. Dieu, Dieu, réponds-moi. Où tu es mort, montre-toi. Je ne veux plus, je ne veux pas. On vient me dire que sur la croix, ton fils est mort pour moi.